Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors attends, c'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre.